Alors, ce soir, j'ai préparé quelque chose sur la réaction thérapeutique négative chez Freud et sur le type de problème que ça peut poser, donc dans le contexte de savoir ce qui est thérapeutique, puisque là, c'est vraiment un des usages du mot thérapeutique les plus classiques hein, chez Freud, hein, donc cette question de la réaction thérapeutique négative. Je vous rappelle que pour Freud, quand il parle de thérapeutique, il parle de thérapeutique au sens des gens de son temps. Il pense vraiment à quelque chose de l'ordre de la guérison, au sens médical. C'est très compliqué de comprendre exactement ce qu'ils appellent la guérison, surtout chez les médecins allemands et autrichiens de l'époque. C'est très certainement quelque chose qui est beaucoup plus marqué, en tout cas chez les médecins universitaires comme Freud, par l'idée d'une application d'une méthode scientifique, de quelque chose où la dimension de l'encadrement scientifique qui permet de penser que ce à quoi on a affaire est véritablement une guérison, parce qu'on a agi sur les causes, est probablement beaucoup plus marqué que chez les médecins français ou les psychologues, en tout cas, de l'époque. En tout cas, c'est quelque chose de très particulier, parce que employer ce vocabulaire de la thérapeutique dans le domaine de la psychologie, on mesure mal à quel point ça a pu être éventuellement assez... C'est quelque chose d'assez particulier, quoi. Vous ne trouveriez pas des choses comme ça chez Janet ou chez les grands médecins français de la même époque. Alors, je vais commencer par citer Eysenck, qui est il n'est pas d'ailleurs vraiment le créateur des thérapies comportementales, mais c'est quelqu'un qui a été un des grands spécialistes des sciences du comportement dans les années 60, un personnage extrêmement important qui, dans les années 60, entre 60 et 63, recrute ceux qui vont devenir à Londres les créateurs des thérapies comportementales. Et dans un texte des années 60, il cite Galien. Et il cite Galien contre la psychanalyse. Et je vous traduis ce que dit Eysenck. Tous ceux qui prennent qui cite Galien, mais j'ai pas trouvé la référence dans Galien. Tous ceux qui prennent ce médicament guérissent certainement, sauf ceux chez qui il est inefficace et qui meurent en peu de temps. En sorte que ce remède, c'est évident, échoue seulement dans les cas incurables. Donc, il dit, voilà, hein, la psychanalyse, c'est ça. Hein. Je veux dire que chaque fois que ça marche, ça réussit, et toutes les fois que ça échoue, ça rate. Hein. Et c'est évident. Et donc, voilà. C'est un sophisme qui intéresse évidemment beaucoup. Mais, vous voyez, c'est le statut, c'est du « it is clear », c'est le « c'est évident ». Si cette évidence est logique, hein, alors aucune des propriétés empiriques du médicament en question n'explique la guérison. Et par conséquent, la définition réelle d'une thérapeutique implique logiquement l'exclusion d'un quelconque processus qui pourrait ressembler à la réaction thérapeutique négative. S'il y a une définition réelle de la thérapeutique, alors par définition, il ne peut pas y avoir quelque chose comme une réaction thérapeutique négative. Et ça, c'est quelque chose, c'est exactement, si vous voulez, la réciproque, hein, c'est un modus tollens pour un modus ponens, de ce qu'on pourrait dire d'une panacée, c'est-à-dire d'un médicament qui guérirait tout. Un médicament qui guérirait toutes les maladies, par définition, aucune de ses propriétés empiriques ne serait causalement explicative de l'effet de la panacée. Puisque oui, ça serait entièrement indéterminé, hein, par définition. Alors, je vous cite ce sophisme de Galien, parce que, contrairement à ce qu'on s'imagine, il n'est pas du tout évident qu'on puisse penser ce que c'est que la réaction thérapeutique négative. Puisqu'il y a quelque chose dans le terme même de réaction thérapeutique négative qui veut dire soit elle n'existe pas, soit il n'y a pas de thérapeutique. C'est ça qui est quelque chose de... pas de thérapeutique en un sens substantiel, empiriquement appuyable. Et il n'y a aucun doute que dans les formules que vous trouvez chez Freud, on trouverait très facilement hein, des choses comme ça. Voilà, le malade n'a pas guéri parce qu'il y avait la réaction thérapeutique négative qui est liée à la... C'est l'éternel recours aux dispositions, des choses comme ça. à l'hérédité. Voilà. Chaque fois que ça marche, ça marche. Et puis quand ça marche pas, ben, c'est pas la faute du traitement, c'est la faute du malade. Et donc, ça implique, si vous prenez, si vous avez égard à ce sophisme, hein, que j'appelle donc le sophisme de Galien, ça implique qu'il faut entrer assez soigneusement dans le réseau de concepts à l'intérieur duquel joue la notion de réaction thérapeutique négative. C'est-à-dire que si vous avez pas, si vous voyez pas quel rôle il joue dans un ensemble de notions qui sont pas du tout des notions médicales, hein, la répétition, le besoin de punition, la pulsion de mort, le surmoi, des choses de ce genre, hein, il n'y a aucune espèce de chance qu'on puisse attraper la signification qui est établie pour ce terme théorique dans la construction de Freud. La deuxième chose, et c'est ce que je vous proposerais en réfléchissant un petit peu sur les débats contemporains auxquels ça a donné en France, alors je ne connais pas d'autres traditions, il y a certainement eu des débats en Angleterre, aux États-Unis là-dessus, mais je me suis renseigné quelques années sur ce que les gens écrivaient sur la réaction thérapeutique négative, qui est quand même un sujet qui ressort régulièrement dans les discussions des psychanalystes, au moins depuis les années 80, depuis un article, je crois, de Pontalis, c'était à l'époque où il faisait de la psychanalyse, donc il y a bien 30 ans, hein, donc, où il y a un article sur la réaction thérapeutique négative et son démantèlement, je crois. C'est un papier dans lequel il s'appelle Nom de Fouanon. Voilà, non deux fois non. Voilà, la réaction thérapeutique et son démantèlement, c'est ça. Il y a un mot très bizarre, non deux fois non. Je ne me rappelle plus dans quelle revue c'est, mais en tout cas, c'est un papier qui est constamment cité parce qu'il raconte très bien pourquoi il n'y a jamais eu de consensus profond sur ce que c'est que la réaction thérapeutique négative et sur, donc, du coup, ce que signifie en tenir compte, voire la combattre. Donc ce que je vais faire dans un deuxième temps de cette soirée, je vais essayer de supposer qu'il y a une certaine expérience commune qu'on pourrait imaginer entre tous les gens qui en parlent, hein, et qui ensuite, n'est-ce pas, nous permettrait de voir en pratique comment la réaction thérapeutique négative a été traitée par les cliniciens. Il doit bien y avoir une sorte comme ça de noyau freudien et post-freudien qui permet d'appréhender à peu près de quel type d'expérience il s'agit et qu'est-ce que rencontrent les gens. Et puis, comme évidemment, je développerai ça la prochaine fois en parlant des borderline, hein, du problème des borderline justement à partir des années 80 quand c'est devenu un problème, c'était utilisé comme une catégorie pour décrire les troubles de la personnalité moderne. Le troisième temps consistera à travailler un petit peu sur cette notion de besoin de punition ou de culpabilité inconsciente qui est, pour Freud, le ressort de la réaction thérapeutique négative. Avec un problème, qui est lié d'ailleurs à la sacralisation du texte freudien, c'est qu'on ne sait pas très bien si c'est un point d'entrée dans la réaction thérapeutique négative ou s'il pourrait y en avoir d'autres. C'est-à-dire s'il pourrait y avoir d'autres raisons que la culpabilité inconsciente de provoquer cette chose qui s'appelle la réaction thérapeutique négative. Et évidemment, ce qui m'a intéressé dans cette notion de culpabilité inconsciente, c'est qu'elle lie fortement la réaction thérapeutique négative à la problématique de la culpabilité et que justement, on pourrait se demander s'il y a d'autres affects que la culpabilité qui sont susceptibles, la culpabilité inconsciente et donc le besoin de punition qui sont susceptibles d'y conduire. Alors, j'essaierai de penser à ce moment, de soulever juste, j'en dirai à peine quelques mots, je crois, les raisons les raisons du concept dans un environnement qui est un peu plus clairement historique et anthropologique. Pour bien voir qu'il n'est pas absolument clair qu'on puisse transporter pour nous directement cette notion de réaction thérapeutique négative dans notre propre perception des difficultés qu'il y a dans les cures. Alors, je vous rappelle le problème. C'est un problème qui émerge chez Freud dans les années 20. Qui émerge dans les années 20, principalement dans deux grands textes. Alors, Le moi et ça, hein, et dans Le problème économique du masochisme, où d'ailleurs c'est le lieu où on identifie le mieux que c'est pensé dans le registre de la résistance, la réaction thérapeutique négative. C'est à la même époque, ça a souvent été remarqué par les exégètes, que Freud élabore assez précisément la notion de transfert négatif. Le transfert négatif marqué par quelque chose, par des manifestations de haine dans le transfert. Alors, il est devenu assez commun de dire que le transfert négatif est à distinguer de modalités qui sont apparues beaucoup plus tard, et justement avec les borderlines, justement dans les années 70, au moment où Green introduit sa troisième topique, etc., de quelque chose où il y aurait une forme de transfert qui serait plus ou moins négateur ou négativant, il y a plein de mots comme ça qu'on trouve dans la littérature, et qui vise à attaquer le cadre en tant que tel de la cure. Le transfert négatif, ce qu'il caractérise fondamentalement, c'est que les affects, ils sont négatifs, hein, c'est la haine en particulier, mais que cette haine est adressée. Et en ce sens, étant adressée, je ne sais pas comment les gens savent comment que la haine est adressée, mais bon, enfin, c'est comme ça que c'est en général décrit. J'ai beaucoup de mal, moi, avec la haine. Je ne comprends pas comment elle peut être adressée, mais ça ne leur pose aucun problème aux gens qui parlent du transfert négatif comme ça. Probablement parce que le type ou la fille vous dit « je vous aime ». Donc, il suppose que ça doit être adressé en ce sens-là. Tandis que dans le transfert négateur, la haine n'est pas adressée, elle attaquerait le cadre lui-même de la cure. Et Freud fait remarquer ainsi qu'il fait remarquer deux choses, c'est que ça surgit, enfin c'est dans sa première description, dans deux circonstances qu'il est bien difficile tout de même quand on est un médecin qui soigne des névrosés dans le cadre comme ça de la médecine psychiatrique ou de la psychologie de l'époque, bien commune, les encouragements, voilà, il y a des gens chez qui ça déclenche des réactions catastrophiques, et tout ce qui est visée médicale et éducative. Je le cite, hein, c'est deux formules, hein. Au départ c'est les encouragements et les visées médicales et éducatives. Et alors, ce qui se déchaîne, c'est quelque chose qui est compulsif et répétitif. Dire quelque chose qui va être placé sous le signe de la Widerholungswahn, de la compulsion de répétition, où deux choses s'articulent ensemble, et ça vous l'avez assez clairement dans différents textes, mais notamment dans le problème économique du masochisme, un surmoi sadique, hein, le patient se décrit, ça il dit Freud, il y a assez facilement accès, hein, donc c'est quelque chose qui est sinon préconscient, même carrément conscient, hein, il est capable de réfléchir à quelque chose. Ça me persécute terriblement à l'intérieur, un surmoi sadique. Et puis quelque chose qui, en revanche, insiste Freud, lui est voilé constamment, c'est que ce surmoi sadique a pour partenaire un moi masochiste. Mais ça, ce moi masochiste-là, eh bien, il est aussi inaccessible au moi que la posture masochiste dans Un enfant est battu, par exemple, le deuxième temps du fantasme d'un enfant est battu, où là, dit Freud, les gens n'en savent strictement rien et ça doit être apporté par l'interprétation, dans le deuxième temps du fantasme d'un enfant est battu. Et donc l'idée que le moi serait masochiste est censée être absolument inconsciente. Et c'est à ce sujet, qu'on ressent probablement d'ailleurs à l'homme au loup, et au fait que l'homme au loup a connu une période de brève rémission de ses symptômes au lendemain de sa ruine, hein, pendant la Première Guerre mondiale, c'est probablement en pensant à lui qu'il a une de ces formules comme ça, qu'un grand malheur guérit le névrosé. C'est-à-dire qu'une fois que le masochisme est comblé, le névrosé irait mieux. Bon. Alors, je vous ai fait rire avec le sophisme de Galien, hein, pour que vous sentiez la dimension de Witz qui est attachée. Comment est-ce que Freud se défendrait de cette remarque ? Alors, la première chose vraiment importante à noter, c'est qu'il distingue très bien, quand on parle de réactions thérapeutiques négatives, des régressions ponctuelles dans la cure où les gens vont plus mal, ensuite vont mieux, etc., hein, qui sont pas d'ailleurs insignifiantes en soi, mais enfin qui lui paraissent faire partie du processus lui-même, de ce qu'il appelle en toutes lettres le progrès réel. C'est le progrès réel qui déclenche la réaction thérapeutique négative, surtout quand on a évidemment eu le malheur d'encourager ou de féliciter ou de tirer des enseignements ou des leçons de ce qui vient de se passer. Et là, c'est donc qu'on a touché le noyau pathogène. Autrement dit, c'est parce qu'on guérit que ça se déchaîne. Et donc, le patient qui va traverser cet épisode est conscient qu'il a atteint un point d'amélioration. Et dans l'exemple que donne, un des rares exemples qu'il donne de ce qu'il veut dire, ça, je l'ai trouvé dans les nouvelles conférences, il y a apparemment c'est une vieille fille, hein, dont Freud dit qu'elle a passé 15 ans, s'en est occupé 15 ans. Alors, comme Freud est toujours extrêmement obscur sur la durée exacte, ça veut dire, bon, en tout cas, il l'a vu une quinzaine d'années, donc à mon avis, on pourrait savoir qui c'est, ça doit faire partie de la liste, mais je n'ai pas cherché des patients assez connus. Au bout d'une quinzaine d'années d'analyse, on va dire, elle avait guéri de quelque chose qui ressemble un peu à, de loin, comme ça, il n'est pas très prolixe, à des empêchements, des inhibitions obsessionnelles, des choses de ce genre. Bon. Elle guérit, et dit Freud, pour rattraper les années perdues dans la névrose, elle se lance dans la vie en entreprenant enfin toutes les choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et à ce moment-là, elle est attaquée, assaillie par toutes sortes d'accidents. Des accidents dont certains sont ridicules, hein, comme se fouler la cheville, je crois, hein, ça fait partie des exemples qui sont donnés, se fouler la cheville, enfin bref. On ne sait pas très bien d'ailleurs quelle est la spécialité, c'est quand même probablement pas une danseuse, alors bon, je ne sais pas très bien, c'est assez obscur. Enfin, toujours, ce qui intéresse Freud, c'est que ces accidents, à première vue, se présentent comme des coups du sort, et pourtant, quand on les examine de près, la patiente y est toujours engagée d'une manière ou d'une autre, et c'est un peu comme si elle, à son corps défendant, elle était allée chercher l'accident en question. Il en résulte quelque chose que Freud appelle l'échec de sa guérison. C'est-à-dire que c'est pas la réaction thérapeutique négative, c'est que c'est la guérison même qui devient cause d'échec, puisque ces symptômes, ces accidents vont s'arrêter à partir du moment où elle va renoncer à profiter de sa guérison psychanalytique en s'investissant dans l'existence. Là, la brève vignette que livre Freud, etc. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que, vous voyez, c'est pas simplement une cure qui... C'est pas une cure qui s'enlise. C'est quelque chose qui marche et qui semble être puni en tant que ça marche dans la cure. Et quand vous lisez donc cette vignette, et puis bon, qu'on essaie de se faire une idée à peu près des choses, on est très frappé d'une chose, qui aussi, je ne suis pas le premier à le voir, hein, tous les observateurs l'ont bien sûr bien noté, c'est que c'est peut-être pas la faute à proprement parler du patient, mais en tout cas c'est son malheur à lui. Il y a là vraiment une sorte de réserve d'idiosyncrasie intraitable. Les gens ont affaire à l'intérieur d'eux-mêmes à un truc qui les détruit, qui détruit les effets de la cure, etc., et qui est que Freud rencontre comme une limite à son action, mais qui est une limite située chez l'autre. Et ça, c'est tout à fait frappant, parce que Freud se prive d'une solution logique, la solution qu'on utilise d'habitude en médecine quand quelqu'un ne guérit pas. On dit que soit il n'a pas été traité suffisamment à fond, soit il existe des limites que nous ne connaissons pas au traitement. Or, ce n'est justement pas ce que fait Freud. Ça, c'est C'est-à-dire, ça, c'est extrêmement commun. Je veux dire, en médecine, ce sont deux manières de parer à l'échec de tout traitement, hein, qui sont absolument banales. On ne peut pas imaginer que Freud n'y ait pas pensé. Non, il insiste bien. C'est quelque chose qui est intrinsèque. Et c'est par là que ce qu'on peut lui... C'est le sophisme de Galien, il s'appliquerait très bien à quelqu'un qui essaie, je ne sais pas moi, un antibiotique sur un germe quelconque qui résonnerait en disant, voilà, un antibiotique, chaque fois qu'il marche, il marche, chaque fois qu'il rate, il rate. Hein. Il n'y a aucun doute. Si Freud n'a pas recours à la solution du traitement insuffisamment poursuivi ou de des limites qu'il ne connaît pas du traitement lui-même en tant que technique, c'est qu'il s'agit d'une prise de position sur le statut du bien-être, sur le statut du mieux-être chez l'être humain. Et elle est étroitement coordonnée, comme vous voyez, puisque ça reste la réaction thérapeutique négative, quelque chose qui est dans l'individu, qui réagit à l'action thérapeutique, ça reste coordonné une vision extrêmement individualisante et de la névrose et de l'application de la technique psychanalytique à l'individu névrosé. En tout cas, c'est cette prise de position sur le statut du mieux-être chez l'être humain qui produit cet effet de recadrage axiomatique. Ça, on voit bien que c'est un sophisme si c'est pris dans un raisonnement médical, mais si c'est la conséquence d'une prise de position générale sur le statut du mieux-être chez les êtres humains, alors effectivement, on n'a plus du tout à faire la même chose. Ça devient un des cadres constituants de l'expérience elle-même de la thérapeutique. Et c'est donc évidemment ça qui conduit à la notion de compulsion de répétition, hein, réexplorer la notion de compulsion de répétition, puis la notion de pulsion de mort comme retour à un point zéro, non plus comme retour à un point bas dans une logique comme ça de l'homéostase, mais dans un retour à un point zéro. Ce recadrage axiomatique chez Freud, et c'est ça que je voudrais essayer d'inquiéter par la bande, hein, en essayant de faire travailler autrement les concepts, il reçoit d'emblée une solution métaphysique ou métapsychologique. Vous savez, on tire le fil de la réaction thérapeutique négative, et quatre pages plus loin, on est déjà dans le protoplasme qui rejoint le niveau de la matière, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte là, comme ça, de court-circuit en quatre pages, qui est assez vertigineux, où finalement la porte d'entrée vers la pulsion de mort est extrêmement... on s'y engouffre. Parce que le problème de toute solution de type métaphysique, c'est que ça transforme le cas ou la situation concrète qui en a donné l'idée. Il y a un effet en retour sur cette situation concrète dont on est parti, c'est qu'elle devient paradigmatique. Comme dit Wittgenstein très bien, de tout grand concept métaphysique, si vous retournez à l'exemple dont on est parti pour en faire un grand concept métaphysique, hein, dans l'analyse de la substance ou de la causalité ou des choses-là, quand vous retournez à la situation de départ, hein, pas de fumée sans feu, là, par exemple, chez Hume, dans les analyses, et que vous analysez ces situations-là, vous vous apercevez en réalité qu'elles ont été privilégiées et montées en exemple, qui était déjà gros du concept métaphysique de causalité avec un C majuscule ou de substance ou de relation auquel on est arrivé. Et donc du coup, il devient presque incontestable, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'acheter le concept métaphysique avec ces exemples types. Et du coup, les exemples types deviennent des exemples qui nous obnubilent sur des situations voisines, ressemblantes, etc. Et toute la critique de la métaphysique chez Wittgenstein consiste, hein, vous vous rappelez, je l'ai raconté plein de fois, à revenir à cet ordinaire de base dans lequel on examine, on fait varier des familles d'exemples qui ont des airs de famille les uns avec les autres, en observant toute l'extraordinaire richesse qu'il y a à ras de la table avant d'avoir apporté des catégories très générales. La même chose s'applique à la psychanalyse. C'est une vraie question de savoir si la résistance... la réaction thérapeutique négative est le cas paradigmatique qui doit nous permettre de penser la pulsion de mort ou pas. Déjà chez Mélanie Klein, vous en aurez d'autres, hein, notamment les névrose obsessionnelle gravissime chez les petits. Le Caerna, le Carita, ou des choses de ce genre. Mais déjà, la réception tout à fait inquiète du travail de Mélanie Klein dans les, sur ces petits patients de Berlin, là, dans la période du milieu des années 20, c'est que les gens perçoivent très bien que là, en fait, elle se sert du concept en faisant dériver la pulsion de mort, elle, sur moi, de tout autre fait paradigmatique que ceux qui sont consacrés par l'orthodoxie de l'époque. Et donc, la culpabilité inconsciente, le besoin de punition, et sa retraduction métapsychologique, mais qui est, au fond, je dirais, une retraduction analytique, on n'apprend pas grand-chose. Quand vous avez quelqu'un qui a un besoin de punition dont il se rend compte progressivement, ça ne coûte pas très cher de dire qu'un surmoi sadique s'acharne sur son moi masochiste. C'est une autre, c'est pas un gain empirique, c'est une redescription des mêmes choses, voilà, sauf qu'évidemment, il y a un qui cogne, l'autre qui subit, et vous collez dessus, n'est-ce pas, c'est l'autopunition en quelque sorte, et vous collez dessus les catégories déjà existantes. Une des questions que je soulève et qui a été soulevée de fait, bien que personne ne se soit vraiment intéressé à ce type de déplacement, c'est que si vous n'adoptez pas une solution, je dirais, métaphysique, de ce saut comme ça à la pulsion de mort, mais si vous faites une sorte d'enquête un peu anthropologique et historique, il n'est pas évident qu'il n'y ait pas d'autres problèmes qui se soient posés. J'en donnerai un exemple pour rentrer dans la question de la pulsion de mort, de l'échec intrinsèque, etc. Dans les années 50, c'est aux États-Unis le thème de l'inaccessibilité narcissique de certains patients. Il y a des patients qui seraient leur narcissisme les rendrait inaccessibles. Ça n'est pas, vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre du besoin de punition. C'est autre chose que le besoin de punition. Parce que pour Freud, c'est très clair, la notion de gens trop narcissiques pour qu'on puisse les analyser existe, mais elle est très fermement distinguée de la réaction thérapeutique négative. Quand vous regardez les textes des analyses des années 50, y compris, c'est toujours très intéressant, les manuels, parce que souvent là, on voit ce qui est enseigné aux gens, pour eux, c'est une dimension de la réaction thérapeutique négative. C'est-à-dire que quand on s'approche un peu trop près du noyau névrotique des gens, le narcissisme se met à flamber et ils réagissent d'une manière absolument catastrophique. C'est le contexte, évidemment, qui va mener, ce dont je parlerai la prochaine fois, à caractériser les troubles névrotiques dans le cadre d'une psychologie de la personnalité. Donc c'est autour de questions de ce genre que vont se poser les problèmes de Kohout, en particulier, de la question du self, mais déjà de la relation d'objet et de la personnalité. Puisque Kohout a toujours maintenu que, au fond, la notion de self, le transfert grandiose, enfin, toutes ces notions qui ont été élaborées dans le cadre de la psychologie du self, sont des notions qui visent à répondre au défi d'une réaction thérapeutique négative chez un certain nombre de gens qu'ils considèrent comme marqués par leur narcissisme. Et ça implique notamment chez lui, comme vous le savez, l'abandon complet de la notion anaphrodienne de pulsion. Alors, l'autre difficulté que pose la notion freudienne la transition, n'est-ce pas, réaction thérapeutique négative, sentiment inconscient de culpabilité, et donc sur moi sadique, moi masochiste, c'est l'expression de culpabilité inconsciente. Elle est affectée de multiples bizarreries. Je ne dis pas que, pour ceux d'entre vous qui ont vu... c'est très sensible avec les gosses, en particulier, surtout qui travaillent avec des institutions, je pense que beaucoup de choses qu'on appelle des rechutes ou des récidives, on a l'impression quand même d'avoir sous les yeux de la réaction thérapeutique négative. C'est-à-dire que le gamin, il est allé quand même vraiment suffisamment bien, on a presque carrément un coup de fil de la maîtresse pour remercier le CMPP. Bon, c'est rare, mais enfin ça existe. Quelque chose existait, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais au bout d'un an, pof, ça repart. Et souvent, ça repart sur un mode vraiment catastrophique, c'est-à-dire avec une sorte d'acharnement autodestructeur du gosse sur ses camarades, ses acquis scolaires, même son fonctionnement mental. Donc, ce problème de la culpabilité, c'est le problème de la culpabilité inconsciente, plus exactement du sentiment de culpabilité inconsciente, puisque à l'époque, Freud tient toujours, et il le tient quand même jusqu'au bout, hein, en tout cas c'est un truc qu'on trouve jusque dans l'abrégé de psychanalyse, que normalement les affects, ben, ils ne peuvent pas être inconscients. Donc ils peuvent être réprimés, ils peuvent être annulés, ils peuvent effectivement subir quelque chose, mais on est bien obligé de penser que ce qui est véritablement rendu inconscient, c'est peut-être moins le sentiment de culpabilité à proprement parler qui émerge, moi, qu'on sent, que quelque chose de l'ordre du représentant, hein, de ce du représentant pulsionnel qui est lié à ce sentiment de culpabilité. Autrement dit, la logique indispensable pour concevoir la réaction thérapeutique négative, c'est une fois de plus, mais ça ne va pas vous étonner sortant de ma bouche, la logique obsessionnelle, dans laquelle l'affect et la représentation peuvent être étroitement, complètement dissociés, et l'affect aller se balader où il veut, hein, et la représentation de l'autre côté. Et les affects viennent contaminer et teinter de culpabilité toutes sortes de choses. Il y a quand même un ennui, c'est que si vous dites, ça c'est l'ennui le plus évident, c'est que c'est très difficile d'avoir d'un côté une logique obsessionnelle et de l'autre quelque chose qui se caractérise par une accélération dans la direction du passage à l'acte. Parce que ce dont on est en train de parler avec la réaction thérapeutique négative, c'est dans les exemples qui sont donnés, c'est non seulement des gens qui vont de plus en plus mal, qui détruisent leurs acquis, mais qui peuvent s'intoxiquer, voire se suicider. On doit inclure, bien évidemment, dans la perspective à l'horizon, le suicide. Or, à nouveau, jusqu'ici, il y avait une sorte d'implicite qui fait que la logique obsessionnelle et le passage à l'acte, le passage réel, hein, ce sont deux choses qui ne vont pas très bien ensemble. Alors, troisième bizarrerie que je trouve importante de relever dans le fonctionnement comme ça opératoire de cette histoire de sentiment de culpabilité inconsciente, c'est que Freud insiste beaucoup pour dire que le sadisme du surmoi, c'est quelque chose que le patient va percevoir. En revanche, le masochisme de son moi, ça lui est complètement voilé. J'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. Je trouve même que la notion même de culpabilité inconsciente, voire de besoin de punition, elle sort de la bouche d'un moi masochiste. C'est une représentation moïque et masochiste de ce qui est subi. Quelqu'un qui vous parle de son... Il perçoit les choses comme quelque chose, comme une sorte de besoin de punition. Et donc, je ne vois pas très bien pourquoi on irait dire qu'ici, le moi masochiste serait tellement plus inconscient, vu les expressions qu'on utilise, pour en parler. Alors, ceci posé, je voudrais revenir sur une difficulté que j'ai juste approchée tout à l'heure. C'est la question du critère de distinction entre le transfert négatif et la réaction thérapeutique négative. Quel est le critère pour les distinguer, puisque on voit bien, au moins au début, et d'ailleurs ça a conditionné, notamment dans l'école française, dans la technique qu'on enseigne d'ailleurs toujours, hein, je me suis renseigné là-dessus, qu'on enseigne toujours dans les cures quand elles tournent au vinaigre, il y a cette idée qu'au fond ça s'annonce toujours par une forme de transfert négatif, bon. Et qu'il faut que la réaction thérapeutique négative n'est pas un processus qui peut commencer directement comme ça à l'intérieur de la cure. Elle commence par des manifestations de haine, de provocation adressées à l'analyste. Alors la réponse classique, c'est que dans la réaction thérapeutique négative, les symptômes, et pas simplement les déclarations, les propos, les associations, mais les symptômes sortent de la névrose de transfert. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des symptômes adressés. Il y a une sorte d'effondrement du cadre de la névrose de transfert sous les coups d'un transfert négatif qui devient un transfert négateur, en quelque sorte. Et donc, apparemment, au début, il y a ce transfert négatif, mais que les symptômes que montrent les patients, c'est pas tellement qu'ils s'aggravent, c'est qu'ils deviennent des symptômes qui ne sont plus adressés, qui ne sont pas plus pris à l'intérieur du dispositif de la cure. Et lorsque vous avez ce phénomène d'embrayage où ça devient comme ça une spirale autodestructrice dans laquelle, effectivement, bon, dans les cas extrêmes, là, les gens échouent totalement à... Le fait d'aller mieux les entraîne dans une sorte de spirale catastrophique. Ce que j'ai envie de vous proposer comme image, c'est que c'est comme si le patient s'adressait à Dieu plutôt qu'à ses saints. C'est-à-dire, ce qui vise, dans ce qu'on appelle au fond une névrose de destin, c'est de faire certainement quelque chose de ces symptômes qui est adressé, mais quelque chose qui est adressé tout à fait par-delà le cadre de l'analyste, à une sorte de provocation au destin, dans lequel plus rien ne va l'arrêter, parce que la confrontation peut avoir ce caractère maniaque ou mégalomane, dirait un Kleinien, à quelque chose qui est vraiment un autre tout à fait au-delà de la personne à qui il s'est confié. Et je dirais, bon, je dis à Dieu plutôt qu'à ses saints, peut-être que du coup ça éclaire la dimension intrinsèquement sacrificielle qui environne, enfin qui nimbe les symptômes spécifiques de la réaction thérapeutique négative. C'est un sacrifice, ça se voit très bien comme un sacrifice à des dieux obscurs. Quelque chose qui consiste à dire à l'autre, n'est-ce pas, voilà, une chose que j'ai discuté dans la fin des coupables, tu as la vengeance. La vengeance, elle est à toi. Enfin, c'est toi. Et le sacrifice consiste à interpeller l'autre sous une forme magnifiée et mégalomane en faisant de sa vie un destin tragique. Et avec quelque chose qui est compulsif dans l'opération sacrificielle. Le contexte dans lequel Freud noue toutes ces choses-là, vous savez, dans le moi et le ça, c'est le contexte de la réélaboration du surmoi, et qui est à nouveau le contexte de la transformation du surmoi, du concept de surmoi, quand Freud reconstruit à nouveau frais la problématique du surmoi comme héritier du complexe d'Œdipe dans le cadre de la névrose obsessionnelle. Pourquoi ? Parce que ce qui va faire entrer l'obsessionnel dans sa tragédie personnelle, c'est un phénomène, vous vous rappelez, de sur-idéalisation du père interdicteur. C'est-à-dire que dans la figure centrale de la crise d'Œdipienne, n'est-ce pas, je t'interdis ce que moi je m'autorise, il ne va plus être entendu que le je t'interdis. Ce que moi je m'autorise, lui, va être entièrement passé à l'as. Il en résulte donc, dans cette sur-idéalisation du père interdicteur, une désexualisation extrêmement profonde de l'investissement paternel, aboutissant à ce mécanisme obscur, ad hoc, mais tout à fait central chez Freud dans le moi et ça, qu'il appelle la démixtion des pulsions. C'est-à-dire que du coup, les pulsions de vie et les pulsions de mort vont pouvoir vraiment prendre deux chemins différents. Avec comme résultat l'instauration d'un père interdicteur et l'abolition, voire l'anéantissement, qui a l'air d'être un anéantissement charnel. C'est les capacités psychiques à éprouver quelque chose de la jouissance sexuelle du père qui est entièrement balayée. Il ne restera plus que l'interdit désexualisé. la capacité anticipatrice de l'objet, le fantasme masturbatoire. Enfin, c'est déjà assez net d'ailleurs dans l'homme aura, puisqu'il note très bien que l'homme aura s'est très peu masturbé finalement. La capacité à incorporer, à devancer l'appropriation de l'objet par le fantasme masturbatoire est abolie. Et c'est à ce moment-là que l'obsession, fait remarquer Freud, devient folle. C'est là où elle commence à prendre ce tour quasi psychotique qu'on voit chez certains, dans certains très grands tocs, hein, dans lequel les rituels deviennent de plus en plus démentalisés, de plus en plus mécaniques, hein, avec un éloignement, une sorte de simplification dans lequel, voilà, effectivement, ça va être du comptage, du lavage, etc. Ça va perdre ce caractère de relativement déchiffrable de rêve ou de fantasme, de répétition d'une scène très complexe. Ça va se simplifier pour devenir quelque chose d'extrêmement cruel, qui va avoir un fonctionnement mécanique, abstrait et autodestructeur. Et c'est, vous voyez, à nouveau toujours, hein, c'est la question de l'obsessionnalité qui vient à l'arrière-plan et qui fait que les obsessionnels, les très grands obsessionnels, sont quand même les patients, je crois, dans la pratique clinique en vie ordinaire, chez lesquels on observe les plus spectaculaires des réactions thérapeutiques négatives. C'est-à-dire que dès qu'on a le sentiment, voilà, qu'ils vont avoir une sorte d'accès à quelque chose comme un désir, ce genre, vous pouvez vous attendre quand même à ce qu'il y ait des grandes alcoolisations, qu'il y ait des phénomènes comme ça, ou des exacerbations symptomatiques absolument ravageantes. En tout cas, c'était vraiment, je pense, la figure qu'avait Freud très présent à l'esprit. Probablement pense-t-il à Elfriede Hirschfeld. Hein, à ce moment-là, si vous avez lu déjà l'histoire de la vie d'Elfriede Hirschfeld, qu'il a décrété incurable, qui est la patiente avec laquelle il a passé le plus de temps, 1500 heures, semble-t-il, 1500 séances, c'est vraiment là quelque chose de cet ordre-là. Hein, c'est-à-dire que plus il a avancé, plus ils ont touché au noyau ultime de ce dont il s'agissait chez elle, et plus elle est devenue complètement barrée, réussissant à esclavagiser totalement le monde, à s'enfermer à la clinique de Bellevue, etc., jusqu'à mettre en danger financièrement sa famille, pourtant qui était très très riche. Alors, c'est ça qui me paraît vraiment, vraiment important, c'est que vous sentiez que tout ce réseau, il est très logique. Il déplace bien la question de la réaction thérapeutique négative. On voit bien comment elle devient quelque chose de paradigmatique. C'est plus un sophisme médical, etc. Ça s'associe au moi ou sur moi, etc. Mais c'est très centré sur une figure du grand obsessionnel. Il me semble qu'implicitement, partout, à plein d'endroits, sans la logique de l'obsessionnalité, vous n'acceptez du type même du Zwang, hein, de la contrainte, vous n'accédez pas à cette dimension particulière de la pulsion de mort. Et je me demande, bien que j'ai absolument pas les moyens de proposer comme ça des alternatives construites, mais je me demande dans quelle mesure il ne conviendrait pas de faire un effort d'abstraction qui nous permettrait de faire jouer ces concepts sans être nécessairement liés à la figure de l'obsessionnalité qui est là en jeu, avec sa culpabilité, le rapport à l'idéal, le rapport au père, le type d'Édipe, etc. Parce que quand on observe, quand ça déconne sur nos divans, quand on est bien en contrôle, etc., on observe quand même que je ne crois pas qu'on puisse se contenter simplement de dire « Eh oui, mon pauvre ami, c'est le besoin de punition de vos patients ». Je crois qu'on est amené à s'interroger sur peut-être d'autres voies d'entrée, et que en démétaphysissant, enfin en enlevant son caractère métaphysique à tout ce circuit, même s'il est très joli, qui va à la pulsion de mort, on devrait pouvoir s'interroger sur, chez les enfants par exemple, hein, qui sont quand même posent état de problèmes bien spécifiques, les enfants et les adolescents, qui sont quand même des lieux de répétition majeure, au moment où le jeu devient sérieux, hein, donc la répétition devient un truc qui va se figer dans des jouissances sexuelles bien précises chez les ados, Là, on est, il me semble qu'on est, il faudrait faire bouger un tout petit peu les choses. Voilà, donc il y a un type historique. Et ce que je ferai à la prochaine séance pour faire un pas dans cette direction, c'est que je travaillerai sur les borderlines, sur les états limites. Pourquoi ? Parce que le type même du patient dans la clinique, alors moi, carrément psychiatrique américaine, comme elle est écrite dans les années 80, le type même du patient, où quand il commence à aller mieux, tous aux abris, c'est ce qu'on appelle le borderline. C'est celui qui, au moment vraiment où on a l'impression d'avoir acquis, c'est sa définition. C'est à ça qu'on les identifie et qui pose ce problème. Dans les années 80, voilà, au moment où il semble avoir être en bonne voie de guérison, ils font un passage à l'acte majeur, une intoxication, une automutilation, voire une tentative de suicide. Et c'est étroitement lié à la question du narcissisme. Donc j'essaierai, je reviendrai, je dirai un des grands textes de sociologie ou de psychosociologie extraordinairement populaire des années 80, livre de Christopher Lasch, hein, sur la culture du narcissisme, où il fait de l'état limite, du borderline, le cas paradigmatique de la souffrance psychique au moment des années 80, hein, au virage des années 80. Il me semble, là, vous voyez, que le borderline, c'est ça, hein, c'est celui chez qui la réaction thérapeutique négative sert carrément de critère d'identification de la pathologie. Voilà. Alors, face à ce problème, et j'en viens à mon deuxième point, face à ce problème de la réaction thérapeutique négative, il y a, dans l'école française, deux grandes écoles. Il y a alors c'est bon, le truc le plus intéressant, c'est évidemment tout ce que Green a fait en incorporant toutes sortes de réflexions venues de Winnicott, de Bion aussi, sur tous les gens qui s'intéressaient justement à la dimension psychothérapeutique, hein, puisque c'était ça qui faisait l'objet de litige fondamental avec les lacaniens, hein, chez Green, c'est que Green s'intéressait à la dimension psychothérapeutique. Et donc, pour lui, la notion de réaction thérapeutique négative était absolument centrale, et on en partait, en quelque sorte, en clinique, parce que c'était ça qui le souciait. Alors, ça a mené à tout un ensemble de réflexions qu'on peut assez simplement décrire en disant, voilà, c'est une interrogation sur le contre-transfert face au transfert négatif. Je pense que le commun dénominateur de toutes ces réflexions, c'est ça. Quand le patient ne vous envoie que de la haine, de l'agression, de la méfiance, du refus, refus de venir, refus de payer, etc., comment analyser le contre-transfert qui émerge et je dois dire que je ne suis pas très convaincu, donc j'ai du mal à vous le... Pourtant, j'essaie souvent de trouver les choses sous leur meilleur jour, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose de plus fort que de dire qu'il faudrait reconnaître en soi la haine qu'on éprouve pour le patient en miroir que de la haine que le patient éprouve pour vous. C'est-à-dire que si reconnaître ces choses-là avait le moindre effet, on ne gagnerait pas notre croûte. Hein. C'est, je veux dire, la reconnaissance de la haine que j'ai pour mon patient, une fois qu'on l'a reconnue, sauf à aller s'imaginer comme ça des processus ad hoc de... voilà, si, quand on s'est reconnu, on se réconcilie ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est un peu vers ça que vous allez voir qu'on est obligé de tenir. On a beaucoup de mal à voir ou à supposer comme ça qu'il y aurait des communications infraverbales dans lequel voilà, des petites choses finiraient par passer. J'ai beaucoup de mal à comprendre la chose. Bon. Alors, Green, qui quand même, lui, gardait le cap, creuse les choses plutôt dans un sens beaucoup plus conceptuel. Et au fond, il va travailler sur la notion de réaction thérapeutique négative. C'est-à-dire, il va prendre très au sérieux que s'il y a action, il y a réaction. Et que c'est à ce titre-là que que l'analyste est en cause, dans ce couple action-réaction. C'est, on ne s'en rend pas bien compte, hein, parce qu'il y a des protestations d'orthodoxie partout dans cette littérature-là, mais c'est vraiment pas du tout la même chose que la position individualiste rigoureuse de Freud, qui dit la réaction thérapeutique négative, c'est un machin qui dysfonctionne, qui fait du mal à l'intérieur de la caboche du patient ou de la patiente. C'est-à-dire que pour lui, la réaction, quand il emploie le mot de réaction, c'est une réaction parce que les choses qui se produisent à l'intérieur de lui suite au traitement provoquent cette réaction. Dans l'interprétation qu'on voit chez Green, pour autant que je la comprenne, il s'agit d'une réaction au traitement. C'est-à-dire que le couple analysant-analyste, hein, est engagé dans une dynamique extrêmement particulière. Et que donc, l'analyste a des raisons de fond, des raisons logiques, pas des raisons psychologiques ou sentimentales d'avoir à être au clair avec sa propre haine à l'égard du patient qui le hait, etc. Non, des raisons de structure, d'action-réaction, pour être mise en cause. Or, du coup, ça l'amène nécessairement à penser le négatif en termes de travail du négatif. Action-réaction, travail du négatif, et donc de dialectique, puisque fondamentalement, le travail qui va se produire, c'est une réponse du négatif à donner au négatif. Comment travaille le négatif et comment ce négatif peut s'intégrer. Donc le mot de négatif, chez Green, se charge, comme vous savez, dans le travail du négatif, se charge de plus en plus de sens. Il va ramasser dans l'ensemble de... C'est un livre très curieusement construit, le travail du négatif. Il va ramasser dans l'ensemble du corpus freudien, tout ce qui a trait à la Verneinung, bien sûr, mais aussi bien au déni, au refoulement, toutes les figures du négatif qui peuvent exister. Et il va tenter de reconstituer quelque chose qui n'est pas vraiment une intégration dialectique hegelienne, mais qui ressemble quand même beaucoup à cela, hein, c'est-à-dire une forme de parcours tragique, sans être tout à fait logique, mais de parcours tragique dans lequel on aurait mis ensemble toutes ces figures du négatif, et le simple fait de les mettre ensemble leur donne déjà cette coloration hegelienne tout à fait singulière. Et donc, l'idée de base sur laquelle tout cela repose, c'est la dialectique. Il y a une dialectique qu'il faut déployer et qui est intrinsèque à la réaction thérapeutique négative, qui donc fait partie de la donnée même du cadre de l'expérience analytique, et en mettant au jour cette dialectique, on va comprendre les enjeux. Alors j'en parlerai la prochaine fois, mais il ne faut surtout pas s'imaginer que ce soit là un phénomène isolable, intrinsèque, parisien, 6e arrondissement, André Green, SPP. Parce que, comment s'appelle la thérapie de référence, la thérapie cognitivo-comportementale de référence des borderline, la Dialectical Behavior Therapy, hein, de Masha Linehan, ça s'écrit L-I-N-E-H-A-N. Masha Linehan, qui explicitement confronté au problème de ces gens qui, quand ils vont mieux, vont plus mal, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les guérir, les plonge immédiatement, les livre de pieds et poings liés à des passages à l'acte absolument catastrophiques et autodestructeurs, elle a véritablement travaillé ça en termes de dialectique. Elle mentionne, alors évidemment, avec les moyens du bord, hein, qui ne sont pas bien gros hein, chez cette dame, Hegel, etc. Et puis, elle, donc l'Odyssée de la conscience malheureuse, le travail du négatif, etc. De façon assez amusante, d'ailleurs, le point de départ du travail de Masha Linehan, c'était le burn-out des thérapeutes. C'est-à-dire les gens qui venaient la voir en contrôle, parce qu'ils étaient complètement épuisés, par ce dont j'ai parlé lors de ma première séance avec vous, la crudité insane de la demande de thérapie chez les patients d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens qui veulent que ça marche tout de suite, très vite, et qui sont absolument pas prêts à s'impliquer dans un traitement, et qui pourtant sont extrêmement malades et souffrent manifestement de façon gigantesque. Ça provoquait des effets de burn-out. Et donc, je reviendrai sur cette DBT, qui est un traitement validé par l'evidence-based medicine, avec des taux de succès, sur des choses, on peut se faire rembourser de la DBT, hein, Dialectical Behavior Therapy, dans des indications de borderline, dans les cliniques aux États-Unis, il y a des protocoles, etc. Donc, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que c'est un problème qui est donné non seulement avec la pathologie, mais aussi avec l'épuisement psychique des thérapeutes. Vous connaissez beaucoup de psychothérapies comme ça qui sont calculées pour à la fois soigner le thérapeute et son client. C'est vraiment pour que le thérapeute puisse supporter la thérapie qu'il est en train d'administrer. C'est très singulier. C'est un point que je suis très étonné que personne, vous voyez, ne voit là la nature du comment se construit le problème. Quand vous lisez les manuels de DBT, c'est vraiment très impressionnant, quoi. On voit les protocoles, tout est complètement en module. Mais c'est quand même de ça dont c'est parti. Et alors, ça a trois composantes sur lesquelles je reviendrai la prochaine fois, mais qui me paraissent très importantes. La première, c'est que l'alliance est basée. Tout repose sur l'alliance avec le thérapeute, hein, c'est vraiment très important, sur un truc qui s'appelle le tough love. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tough love. T-O-U-C. C'est l'amour dur, quoi. Hein. C'est une forme d'affection rugueuse. Hein. C'est quelque chose dans lequel le patient borderline doit rencontrer chez le thérapeute une forme de d'engagement affectif bourru, voyez, qui a un petit côté individualisme pionnier, la Winchester jamais très loin, et si t'es pas content, tu pars sur ton cheval, qui a un côté comme ça, tough love. Bon. Alors, c'est un peu étrange. La deuxième chose, c'est que ce sont des thérapies totales. C'est-à-dire qu'une des dimensions importantes de la dialectique, dont je reviendrai sur les détails, c'est qu'il y a un régime de vie qui y est associé. Mais oui, il y a aussi pour la régulation émotionnelle, la diminution des toxiques, c'est toujours associé à des cures de désintoxication, des choses de ce genre. Et que ça se termine avec de la mindful awareness, c'est-à-dire une forme de bouddhisme sans Bouddha, qui est une sorte d'éveil conscient, qui tient lieu, je pense, d'équivalent de savoir absolu à la fin de la phénoménologie de l'esprit en Californie. Hein. Donc c'est une sorte comme ça de communion du psychisme avec le reste de l'univers. C'est très difficile de présenter ça sous un jour vraiment favorable, mais la prochaine fois, je vais faire un vrai effort, parce que c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes qui ont l'ubion, hein. C'est exactement les mêmes. Et qu'il y a des passerelles extrêmement nombreuses entre les gens qui, en Californie, ont consommé du Marshall Linehan et ceux qui ont été transformés en forme d'intersubjectivisme New Age, le Bion. Voilà. Et notamment, donc, Rothstein. C'est des gens qui se sont tout à fait fréquentés, etc. Donc, il faut aussi respecter le fait que ça s'est passé comme ça, et qu'après tout, il n'y a pas de raison de penser que ces gens étaient débiles, et ils devaient bien avoir affaire à des problèmes qui étaient les leurs. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la négation chez Freud, mais je voudrais quand même rappeler une ou deux choses sur la Verneinung, n'est-ce pas ? Il y a déjà 25 traductions, donc on ne va pas en proposer une sixième. Mais je voudrais quand même vous rappeler le problème sur lequel bute très clairement Green. C'est que quand, dans le travail du négatif, il y a le fameux chapitre donc sur la réaction thérapeutique négative, que vous pouvez aller relire, le simple fait de parler du négatif chez Freud, c'est déjà un coup de force. C'est-à-dire que ça consiste déjà à traiter les occurrences du négatif à défaut. Alors, il n'ose pas dire qu'il y a une logique, mais il dit quand même qu'il y a des dimensions tragiques co-articulées qui résonnent les unes avec les autres dans le déni, la réaction thérapeutique négative, le refoulement, la Verneinung, etc. À chaque fois, il y a des dimensions tragiques qui sont articulées. Alors évidemment, il ne les construit pas comme une sorte de science de la logique à la Hegel ou de phénoménologie de l'esprit intégrative, de ses terminances d'une conscience, etc. Mais néanmoins, le simple fait de parler du négatif, c'est très coûteux. C'est pour ça, n'est-ce pas, que le génie de Hegel, c'est que si vous parlez du négatif comme un élément, inéluctablement, vous allez être entraîné dans une logique dialectique d'intégration conceptuelle des différentes dimensions du négatif. C'est très difficile de s'arrêter en chemin. Le simple fait de parler du négatif, chez Hegel, ça, c'est au fond quelque chose qui implique déjà et la science de la logique et la phénoménologie de l'esprit. Vouloir parler du négatif chez Freud en s'arrêtant, en disant « Ah oui, mais il n'y a pas d'intégration du concept, c'est pas le même concept qui travaille. » La langue, le concept, ne vous permet pas de dire « Ah oui, moi je prends chez Hegel ceci, mais je laisse le reste. » Parce que la force de la pensée de Hegel, c'est que si vous avez le malheur d'en prendre un mot, il faut vous bouffer tous les autres. Ça, le truc qui est génial dans la pensée de la totalité chez Hegel, c'est qu'on ne peut pas faire son marché, surtout sur des notions comme ça. Alors, il se heurte à cette extrême difficulté, c'est que s'il y a du négatif, il y a une propriété grammaticale du concept de négatif, c'est que la négation, c'est l'affirmation. C'est que si vous voulez vous servir de la notion de négation, dans le langage ordinaire, vous allez toujours tomber sur « moins par moins, ça fait plus ». Vous allez toujours trouver, si je dis non à ton nom, c'est comme si je disais oui, vous allez systématiquement rentrer dans quelque chose de cet ordre-là. Et c'est précisément la pompe qui sert à l'intégration systématique de la pensée de Hegel, à l'odyssée de la conscience malheureuse, à l'intégration de l'être et du néant, dans la logique de l'essence, puis du concept, etc. Or, dans la psychanalyse, tout dément que moins par moins, ça fasse plus. Tout le dément. C'est-à-dire qu'il ne saurait y avoir de concept de répétition si moins par moins, ça fait plus. Parce que vous n'auriez pas de répétition et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, si vous aviez une intégration. Si à un quelconque moment, il y a une intégration, il n'y a plus de répétition. D'ailleurs, ce n'est pas une découverte de ce soir. Hein. Le concept kierkegaardien anti-hegelien de base, c'est la répétition. C'est-à-dire, si ça se répète, il n'y aura pas d'intégration dialectique, vous l'avez dans le bas. Et donc il suffit d'identifier un lieu existentiel de répétition pour détruire totalement l'odyssée de la conscience malheureuse dans la phénoménologie de l'esprit. Complètement. Donc c'est ça le point. Et évidemment, chez le théologien qui est Kierkegaard, la répétition que chacun doit faire de l'acte de foi... Hein, c'est-à-dire que c'est aussi difficile pour Pierre que déjà pour Paul que pour chacun d'entre nous de croire, c'est aussi difficile, chacun le répète, c'est quelque chose qui abolit la grande intégration historique, c'est-à-dire que ça produit un effet d'éternité, d'anhistoricité dans l'acte de foi, qui est l'objection absolument massive à la grande théologie spéculative des théologiens hegeliens de l'époque. Existentiellement, s'il y a répétition dans l'existence, il n'y a plus de phénoménologie de l'esprit et d'intégration. J'ajouterai une chose qui est très... Alors, évidemment, chez Lacan, vous connaissez tous les arguments. Chez Bion, qu'est-ce que ça veut dire quand dans le commentaire que je fais à la suite de la preuve du texte épistémologique de Bion, quand je travaille sur la notion d'intuition? Un des piliers de ce qu'on appelle l'intuitionnisme en mathématiques, c'est de récuser toute forme de preuve qui résonnerait par le fait que si il est faux qu'un raisonnement soit faux, alors il est vrai. C'est que l'annulation, hein, le fait qu'on puisse mettre un signe de négation, hein, si c'est pas, et qu'on puisse remplacer une construction positive d'un argument en disant pourquoi tel argument est vrai, par le fait qu'on peut nier sa négation, qu'on peut montrer que sa négation est fausse, tout ça est écarté par l'intuitionnisme. L'exigence fondamentale de l'intuitionnisme en mathématiques, c'est d'exiger que la preuve soit construite. Elle ne peut jamais être établie par la négation de la négation. Elle doit être systématiquement construite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Freud, lorsque Bion écoute une série d'associations, ça veut dire qu'on ne peut jamais faire autre chose aux yeux de Bion que d'écouter ce qui se construit positivement dans cette série d'associations. Et que c'est par là qu'il n'y a jamais, dans l'approche bionienne de l'écoute analytique, autre chose que de voir jusqu'à quel point l'esprit construit effectivement sa production, la façon dont il produit les énoncés. On ne peut donc absolument jamais avoir recours à aucun raisonnement de type dialectique. Lorsque quelqu'un donne une apparence de raisonnement dialectique à son discours, le lieu où son psychisme est actif, c'est le lieu de la construction et non pas le lieu du raisonnement. C'est le lieu de la production constructive. Ça veut dire, par exemple, que le... Comment est-ce que je pourrais donner un exemple de ceci? Ça explique, et ça c'est un des points qui était assez explosif d'ailleurs avec Jean Alouche quand on a discuté de mon travail il y a quelques semaines, ça explique que justement il ne peut pas ne pas y avoir de psychisme pour Bion. Parce que quelqu'un comme un intuitionniste, comme Brouwer, comme le père de l'intuitionnisme, ça n'est jamais ce que vous écrivez au tableau, c'est jamais les signes. Et donc les opérations sur les signes qui vous permettent de produire un résultat mathématique. C'est le fait que votre activité mentale génère ces suites de symboles. Et si vous n'avez pas d'activité, c'est ça l'intuitionnisme, c'est que le lieu de l'activité mathématique, c'est littéralement la production de cette activité mentale. Donc ça implique quelque chose comme l'existence d'un psychisme. Et c'est aussi, alors chez Brouwer, qui en faisait carrément une esthétique, une politique, etc. Enfin, c'est des textes tout à fait étonnants que le mathématicien Brouwer, le créateur de l'intuitionnisme, a montré. C'est que c'est plus puissant, dit-il, que ce qu'on peut même écrire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très anti-lacanien, si vous y réfléchissez un peu. C'est que les mathématiques intuitionnistes attestent de la supériorité de la créativité intellectuelle sur ce qui peut s'écrire. Elles l'attestent, et elles l'attestent dans des endroits stratégiques de la rationalité humaine, en particulier avec les théorèmes sur l'infini. Puisque Brouwer était capable, comme ça, de construire à partir de ce qu'on appelle des suites de choix libres, des théorèmes sur l'infini qui sont plus puissants que ceux qu'on approcherait avec une méthode bourbakiste ensembliste, par exemple. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. Il y a l'idée de psychisme créateur est vraiment extrêmement forte. Et la condition pour qu'il y ait du psychisme créateur, c'est de déliminer totalement toute forme de raisonnement du genre « s'il faut est faux, s'il est faux que c'est faux, c'est vrai. Moins par moins, c'est plus. » La négation de la négation, c'est l'affirmation. Il faut éliminer totalement toute cette grammaire, toute cette syntaxe qui tourne toute seule et qui fonctionne avec du moins par moins. Ça fait plus. Je ferme cette parenthèse, mais elle nous indique tout de suite le lieu où, en quelque sorte, s'est arrêtée la Green. Green ne va pas jusqu'à assumer complètement, dans la notion de travail du négatif, tout ce à quoi ça pourrait l'entraîner de considérer qu'il y a effectivement un psychisme ou des choses de ce genre. Il reste pris dans quelque chose d'hégélien qu'il ne peut que, en quelque sorte, tempérer en disant « je ne retiens que le côté tragique, je ne prends pas le côté logique ». Et donc il ne va pas jusqu'au bout de la construction du négatif. il voit très bien qu'il y a du négatif. Il y a du négatif dans l'inconscient. Ce qu'il n'y a pas dans l'inconscient, c'est la négation de la négation. Ça, c'est clair. Mais de la négation, c'est pas très difficile de prendre les textes de Freud et de montrer qu'il y a quelque chose, il y a du négateur dans l'inconscient. Ce qu'il n'y a pas, c'est la négation de la négation. Et ça, c'est pas un fait négatif, si j'ose dire, c'est un fait absolument positif. Et celui qui en tire, à mes yeux, les conséquences les plus radicales, c'est Bion. Alors, l'autre attitude face à la réaction thérapeutique négative, l'autre attitude, c'est celle que je vais vous décrire maintenant, que je rassemble à partir de quelques notes, comme ça, éparses qu'on trouve chez Lacan, et surtout chez un certain nombre de ses commentateurs, d'ailleurs, qui ont tenté de reprendre la question freudienne à partir de ce que Lacan a laissé. Ce qui est commun, c'est que pour Lacan, encore plus que pour les autres, si vous prenez, encore plus que pour les gens de la mouvance orthodoxe, ou grignienne, la réaction thérapeutique négative est de l'ordre de la résistance, l'analyste y est impliqué, mais c'est la résistance de l'analyste qui est impliquée dans la réaction thérapeutique négative. Ça implique qu'on approfondisse le concept de répétition, et je terminerai d'ailleurs sur la notion de sacrifice à ce sujet. Alors, Lacan ne nie nullement qu'il existe tout à fait du contre-transfert. Il est contre, mais il ne nie pas le fait. Il est contre au sens, il n'est pas question pour lui de confier au contre-transfert psychologique des tâches qui ne sont pas les siennes de cadrage de l'expérience analytique, mais il y a bien des effets psychologiques de contre-transfert. Le problème étant de construire le cadre à l'intérieur duquel on les pense et on les comprend, ces effets de contre-transfert. Et il les pense, bien sûr, dans le cadre d'une disparité et d'une asymétrie fondamentale du transfert, c'est-à-dire, au fond, de ce que Lacan a toujours cherché à établir en courant après, sous toutes ses formes logiques ou comiques même d'ailleurs, c'est une relation radicalement asymétrique, où A est en relation avec B, mais B est sans relation avec A, dont les figures les plus connues, c'est il n'y a pas de rapport sexuel, ou des choses de ce genre. C'est-à-dire que c'est des relations dans lesquelles on peut aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Et qui sont des relations qui défient justement systématiquement nos représentations, puisque nous ne pouvons les penser qu'à travers quelque chose comme un miroir. C'est-à-dire que si A est en relation avec B, alors forcément B est en relation avec A, puisque A est en relation avec B. Alors justement, ce qu'il cherche à construire, c'est des manières de casser cette espèce de mise en miroir. À cet égard, comment est-ce qu'on pourrait... Alors ça, c'est pas dans Lacan, c'est moi qui vais vous le pointer. Dans la simple forme énonciative que vous pouvez observer dans les relations que les patients peuvent avoir avec quelque chose qu'on va identifier comme le surmoi. Quelle est la pierre de touche d'une relation avec le surmoi chez l'obsessionnel? C'est ceci, c'est que l'obsessionnel va vous dire « ça me dit tu, tu fais ceci, tu fais ça ». Mais je ne peux pas dire « tu » à ça. Je le redis parce que c'est une formule un peu énigmatique ou cryptique d'abord. « Ça me dit tu, mais je ne peux pas dire « tu » à ce « ça » qui me dit « tu ». C'est la grande différence entre « ça » et « il » ou « lui ». C'est-à-dire que dans le jeu ordinaire des pronoms, si vous traitiez ça comme un pronom en troisième personne... Ah, évidemment, il me dit tu et moi je lui dis tu. Dans le fonctionnement habituel des pronoms, le pronom en troisième personne, vous pourriez simplement utiliser la réciprocité grammaticale. Or, le fait sur auquel se heurte le névrosé obsessionnel, c'est qu'il entend une injonction. L'entend. Alors, chez les enfants, c'est surtout chez les enfants que c'est très spectaculaire, parce que les enfants, ça ressemble quasiment à l'automatisme mental. Hein. Chez les très grands enfants, les petits enfants obsédés, c'est une voix qui leur dit, qui leur parle. Hein. Et on se dit d'ailleurs, mais c'est fou, quoi. On se dit, c'est une psychose hein, chez les tout petits. C'est une voix qui dit, si tu ne te laves pas les mains, ta maman va mourir. Le gosse, il l'entend. Et quand vous regardez le phénomène, vous êtes complètement désemparé parce que ça ressemble phénoménologiquement à une hallucination paranoïaque chez un petit. Alors que ce n'en est absolument pas, et puis ça donne des ordres comme ça. Chez les adultes, ce sont des formules qui sont quand même beaucoup plus cryptées. Mais elles ont une caractéristique fondamentale. C'est que le ça qui dit tu au patient, on ne peut pas lui dire tu. Lorsque un patient vous rapporte un énoncé du type « samedi, jette ta gamine par la fenêtre » et je suis pris totalement d'angoisse. C'est quelque chose qui se présente sous la forme d'une phobie d'impulsion. Un truc qui... la gamine est là, foutre par la fenêtre, il faut que je quitte la pièce, c'est absolument insupportable, etc. Un critère pathognomonique que vous avez à faire à une phobie d'impulsion dans le cadre d'une psychose, c'est quand la personne commence à négocier avec la voix. C'est-à-dire quand elle commence à dire « pas tout de suite » ou « pas elle ». Là, vous pouvez être absolument certain que si ce qui est entendu est traité comme quelque chose à quoi on peut répondre, c'est une psychose. Et c'est ça qui est, je crois, je trouve que le critère que je vous propose, je ne l'ai jamais vu démenti, hein, j'en ai vu des formes comme ça déjà, je ne suis pas le seul à avoir observé ce truc-là, mais je trouve qu'il est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien que le caractère injonctif du surmoi dans les névroses obsessionnelles, il repose sur une asymétrie structurante. On ne peut pas se retourner. Tandis que le psychotique qui entend une injonction de tuer, etc., peut lui répondre non. Et c'est ça, justement, qui fait que c'est une voix. Ce qui fait une voix, c'est pas le caractère, contrairement à ce qu'on dit, sensoriel de ce qui est entendu, c'est le fait que c'est une voix au sens des voix dans une polyphonie, où celui qui est traversé par la voix peut utiliser la voix de son moi pour parler aux voix délirante. Et donc, c'est la possibilité du dialogue. Alors parfois, c'est extrêmement troublant, hein, parce que, par exemple, c'est ce qui fait l'état dans lequel on est quand on voit un ado qui commence un très très grave toc, etc. On se demande toujours si c'est pas une schizophrénie qui est en train de commencer sur un mode pseudo-obsessionnel. Enfin, il y a toute une littérature hein, psychiatrique sur les jeunes ados qui commencent à avoir des automatismes mentaux comme ça. Ça se présente à phénoménologiquement, de prime abord, bien malin, qui peut dire si c'est bon. Mais enfin, quand on réussit à mener subtilement l'examen clinique jusqu'à obtenir ce critère-là, il me semble que là, vous voyez vraiment bien les choses se partager. Avoir une hallucination psychique, d'abord c'est banal, mais quand l'hallucination psychique est péjorative, la question de savoir si elle est sur un versant obsessionnel ou si elle est sur un versant paranoïaque, elle peut être tranchée par ce biais, à mon avis. En tout cas, avec le surmoi, l'obsessionnel n'est jamais de tu à toi. Ça, c'est vraiment c'est ça que je veux dire par ça me dis-tu, mais je ne dis pas tu à ça. Pourquoi je vous fais cette analyse grammaticale du surmoi ? C'est parce que qu'est-ce qui se passe quand Freud se reproche quelquefois d'être trop père pour être un bon analyste? C'est quand Freud, évidemment, comme il est le créateur de la psychanalyse, puis comme tous les gens qui sont des créateurs de psychanalyse à un moment ou à un autre, ils sont évidemment les professeurs du genre de psychanalyse qu'ils font. Hein, c'est la même chose avec les patients de Mélanie Klein. Hein. Il est médecin, il est éducateur. Le problème de Freud, c'est que la voix qui s'impose alors est sans réplique, mais elle s'incarne dans une figure paternelle et oedipienne qui sature complètement le champ. Dès le moment où Freud, quand on dit qu'il a une théorie des stades, une théorie psychodéveloppementale, ça veut dire quoi avoir une théorie des stades? Ça veut dire que quand Freud a terminé sa journée de travail, il est content d'avoir fait grandir ses patients. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelqu'un qui a une théorie avec des tas de machins qui viennent de Darwin ou de la psychologie des enfants. C'est que quand il se couche le soir, il se dit, voilà, mes patients sont moins infantiles. J'ai fait croître, j'ai assuré véritablement le développement psychique. Je m'en suis occupé comme quoi? Comme d'enfants que j'ai aidé à grandir. Hein, donc il ne faut pas perdre cette espèce de dimension qui est complètement essentielle dans le dispositif, c'est de faire grandir le patient comme un fils et comme une fille. Et lorsqu'il parle de l'analyse comme d'une post-éducation, ou des choses de ce genre, il faut bien sentir que là, déjà, on est sur la pente de la réaction thérapeutique négative. Parce que la place que Freud occupe dans le transfert, c'est pas simplement une place de père, c'est une place de père qui éduque, de père qui fait grandir, de père qui veille au développement, à ce que les expériences infantiles, on s'en débarrasse, on les dépasse, etc. Il est vraiment pris, et j'espère vous l'avoir montré là, quand je parle dans mon dernier bouquin là, de l'homme au rat, il est vraiment pris dans le schéma anthropologique de l'autonomisation de l'individu. Ça, s'il n'y a aucune, pour moi, de doute là-dessus, il autonomise l'individu. Alors, du coup, et c'est ça que je veux bien mettre en bien souligner, l'asymétrie aux yeux de... Pourquoi Lacan dit « mais Freud, c'est épouvantable, il est jeté par la fenêtre, tellement voilà, il est saturé par la vision du père. » C'est que il n'est pas étonnant que lorsqu'on occupe une position de ce genre, on rencontre très rapidement, et en particulier avec les névroses obsessionnelles, la question de la réaction thérapeutique négative. Parce que la seule chose auquel vous acculez le patient, c'est à se confronter à vous. Et donc, d'une certaine manière, au-delà de vous, a quelque chose comme une espèce de puissance obscure, devant laquelle, à force de vouloir éduquer, faire grandir, etc., on va déchaîner quelque chose de sacrificiel. Il y a un pari, je ne sais pas s'il est formulé quelque part explicitement, mais c'est que le simple fait de nettoyer la place de l'autre occupée par l'analyste de toute prétention à incarner un père oedipien éliminerait, je ne sais pas si je dirais complètement, mais éliminerait en tout cas ce que Freud appelle la réaction thérapeutique négative. Alors, c'est une lecture très... Je ne vais pas la justifier très en détail, mais c'est une lecture qui me paraît plausible de la façon dont Lacan envisageait la technique. Ne pas occuper en aucune manière une position de père dans le transfert, en aucune manière, ça doit normalement éliminer une bonne part de ces choses-là. Ça ne suffit pas à Lacan, et je voudrais terminer en vous proposant un petit exercice que j'ai fait il y a de nombreuses années déjà, pour ceux qui suivent ce séminaire, de topologie linguistique. C'est-à-dire, j'essayais de, plutôt que de vous parler comme ça de la répétition en général, parce que déjà, rien que le fait d'employer des mots généraux de ce genre, on est déjà engagé dans un truc philosophico-conceptuel dans lequel c'est la dialectique des concepts du langage ordinaire qui va nous dicter tout ce qu'on va penser. Et donc je vais travailler sur le mot « encore », pour essayer de vous faire voir très concrètement ce que c'est dans la matière signifiante de la langue française à travers ce mot terrible qui est encore, hein, que Lacan s'est, comme vous savez, abondamment servi. Comment la question de la répétition vient figurer dans l'espace de la langue, et qu'est-ce qui en conditionne la réversibilité, les ambiguïtés, les sens contraires, les usages contraires. Comment encore peut désigner une chose, allez voir, et puis a désigné exactement l'inverse. Et entre les deux, entre ces mots au sens opposé, comme dit Freud, on peut parcourir tout un ensemble de nuances qui, dont je vais vous montrer la fonction. Alors pour ça, je vais utiliser un truc que j'avais utilisé il y a de nombreuses années, c'est Antoine Giulioli, le linguiste qui utilisait ce schéma, qu'on appelle le schéma de la canne, qui est en fait une représentation d'une bande de Möbius. Une canne, c'est comme ça, hein, c'est une bande de Möbius. Et ce que faisait Antoine Giulioli, c'était que pour montrer comment fonctionnaient toutes sortes de choses dans la langue, au niveau de la mélange très particulier de syntaxe et de grammaire qui est propre à sa théorie linguistique, comment on dispose des points opposés, des points symétriques, sur cette espèce de dispositif. Alors, vous avez bien évidemment, dans la répétition, un usage que vous voyez chez les tout-petits du « encore ». Bon, hein, ça c'est vraiment pour ça que je pense que Lacan a raison, le premier mot de la langue c'est « encore ». Parce que quand un gamin de 1 an et demi est capable de dire « encore », il y a une chose qui est totalement certaine, c'est qu'il sait parler. C'est vraiment un truc, le « encore », encore un câlin, encore sauter sur le lit, encore de la compote de fraises, tout ce que vous voulez, ça c'est... Et, alors, chez Lacan, hein, ça se continue par ou pire, mais c'était suffisamment triste comme ça. Alors, vous avez ici toute une zone d'expression qui sont marquées par la surenchère, l'un des premiers sens de encore, hein, que vous avez dans encore plus ou encore moins. Et puis, vous avez tous les sens de « encore » qui sont rattachés à la continuité. Encore plus ou encore moins, c'est très important, les marqueurs syntactico-sémantiques de la gradation quantitative et qualitative soient tous déclinables avec « encore ». Encore plus, encore moins, encore mieux, encore plus fort, etc. Ils le sont tous systématiquement. Ça, c'est une des propriétés très fortes de cet adverbe. Et alors, au milieu, vous avez le sens typique de « encore », c'est « bis ». « Bis » ou bien le « encore » dans l'autre sens, c'est « encore ». Encore un coup, encore, arrête, hein, vous voyez, hein, qui se démarque très nettement de ce encore, encore, que vous pouvez utiliser pour demander encore plus. Donc le bis, hein, d'ailleurs en anglais, le fait d'applaudir, de demander un bis, n'est-ce pas, c'est tout encore. On a utilisé carrément le mot français pour ça. Donc là, c'est toute la dimension de récidive. Alors là, vous avez le encore qui va dans le sens de vide, et là vous avez le encore qui va plutôt dans le sens de nord, hein. Ça va encore, vous avez basculé ici sur la canne d'une manière continue, hein, c'est ça l'idée d'une canne, c'est de mettre en continu les différentes nuances d'un terme et ces différents usages qui sont toujours à la fois syntaxiques et sémantiques, hein, chez Giulioli. Ça va encore. Et puis, plus vous avancez, plus vous avez des sens de « encore » qui sont de plus en plus concessifs. Hein? Quand, par exemple, vous dites « quelqu'un vous parle » et la continuité, au lieu d'appeler un terme défini, laisse la place, le terme suivant, à un terme ouvert. Quand, par exemple, vous dites « mais encore » mais encore ». Donc là, vous laissez de plus en plus le terrain et vous avez les usages concessifs de « encore ». Encore que. Et le terme, le moment où on arrive au point où l'objet lui-même devient vide, c'est quand vous dites « et encore ». D'accord ? Donc vous pouvez, en utilisant toutes accomplir, en disposant les nuances d'un corps, parcourir toute la dimension de la surenchère excessive, encore, jusqu'au moment où le... il n'y a rien du tout, et encore, hein, donc au point exactement opposé à celui dont on est parti. Okay. Donc, les calmes, c'est des choses que j'utilise souvent pour faire cette espèce de topologie linguistique, mais il y en a plein d'usages, si vous lisez les travaux de Cuglioli. Ça permet d'étaler, sans distinguer la dimension sémantique, pragmatique et syntaxique, hein, puisque vous avez aussi bien la position de la concessive que l'usage d'une interjection, hein, encore, parce qu'il y a un usage par interjection, etc. Je rappelle que chez Guillaume, par exemple, les interjections sont sorties des classes de mots, tandis que pour Cuglioli, ça fait partie des classes de mots, hein, en linguistique. Donc vous parcourez doucement les différents types de continuité jusqu'à un épuisement de l'objet. Notez bien que si vous partez de quelque chose qui va plutôt dans le sens du cri, vous arrivez, pour finir, à quelque chose qui va plutôt dans le sens du silence. Et que si vous allez plutôt, si vous, en haut, de la dimension, une dimension qui me paraît être assez clairement reliée à celle de la jouissance, en tout cas, c'est vraiment la raison pour laquelle Lacan en parle encore, et encore, indique plutôt de tout ce que ça laisse à désirer. C'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez à l'ouverture ultime de ce que encore désigne, là, vous êtes plutôt sur le versant du désir que sur celui de la jouissance. Alors, le principe de la canne, hein, c'est que là, vous avez l'objet titre. C'est-à-dire que la façon dont Lacan pense le signifiant, et donc dont il renouvelle totalement l'analyse freudienne des mots de sens contraire, etc., c'est que ce que vous voyez ici, c'est dans la disposition des différents sens d'un corps, c'est très concrètement dans les mots qui expriment au titre du cri, notamment, la répétition, comment la langue est tordue et disposée néanmoins autour de ce point central de l'objet tita. C'est-à-dire que l'objet tita, c'est quelque chose qui n'est pas insignifiant, mais dont la topologie de l'espace signifiant est entièrement conditionnée par le point d'irruption au centre de la bande de Möbius, à la fois comme cette bande de Möbius et comme sa coupure, par l'objet tita. Donc là, voilà un usage concret. Si vous voulez. Et faites bien attention, je fais ça pour bien vous pointer que la notion de signifiant, c'est pas du concept de signifiant dont il faut parler. Ce dont il faut parler, c'est très concrètement des différentes nuances d'un terme qui l'amène progressivement à déployer sa zone d'équivoque et d'ambiguïté, hein, de manière à ce que vous arriviez, en les disposant correctement les uns par rapport aux autres, à établir les points antipodaux de ce qui est l'usage sémantique et signifiant, et à la fois sémantique et syntaxique et pragmatique d'un terme. D'accord ? Et c'est seulement quand vous le prenez sous cet angle-là que vous pouvez faire apparaître que l'idée de Lacan, hein, selon Lacan, fait tout l'espace de la langue, bah, du langage, mais de la langue, quand on le parcourt, est traversé par ce type de choses et sa forme. Et ces contrariétés sont conditionnées, ces contradictions sont conditionnées par l'espace ici. Bon, ça, moi j'ai très envie de dire que c'est quelque chose de ce que Bion appelle une turbulence, c'est ça. C'est-à-dire, j'y vais un peu fort, hein, parce que j'ai une dimension de chaos chez Bion qui n'est pas à négliger. Et ce que Bion appelle une turbulence, c'est la façon dont un patient peut aller extrêmement vite d'un point à un point inverse, d'une signification à une signification inverse, avec le sentiment qu'il y est entraîné. C'est cette théorie de la turbulence. Et c'est d'ailleurs une des choses qui fait que Bion, comme Lacan, s'intéresse à la topologie de la bande de Möbius, c'est que au fond, qu'est-ce qu'on attend d'une séance? S'il y avait quelque chose comme une séance idéale, une séance idéale, c'est une séance dans laquelle les énoncés initiaux se retrouveraient à la fin dans les positions antipodales. C'est-à-dire que la position d'énonciation, il y a d'abord l'énoncé, c'est à la fin de la séance, au point de coupure idéal, hein, c'est comme ça que Lacan parle de scansion en ce sens-là, la scansion arrive au moment où on peut détacher l'énoncé à partir de sa position d'énonciation. Tout d'un coup, on s'entend dire ce qu'on ne s'entendait pas dire. Et à ce moment-là, dès qu'on s'entend dire ce qu'on ne s'entendait pas dire, il est légitime pour Lacan d'interrompre la séance, puisqu'on a parcouru toutes les figures de Lacan et que chute l'objet tita dans le champ du réel. On a fait le tour de quelque chose. Et c'est la répétition d'un nombre successif de ces tours que vous avez, de la manière dont ils se représentent, qui, à un moment, familiarise. C'est très difficile de comprendre au juste ce qu'il veut dire par là, mais enfin, c'est moi qui emploie le mot de familiarisation, qui, au bout d'un certain tour, d'un certain nombre de tours, permet à quelqu'un d'apercevoir quel est l'objet qu'il tient, c'est-à-dire ce autour de quoi il tourne dans ce qu'il ne réussit pas à entendre de ce qu'il dit pourtant. Voilà. Donc le système de Lacan, moi j'aime bien l'utiliser comme ça pour vous montrer que plutôt que de parler comme Green, en essayant d'utiliser des concepts comme la négation il me semble qu'on apprendrait davantage de la grammaire logique et de l'effet dans le langage de ce au quoi on tourne quand on dispose d'un terme comme « encore », par exemple, pour penser la répétition, et que plein de choses de ce genre de choses sera plus utile de faire ça. Alors, je conclue de quelques phrases cette séance. Je pars de la réaction thérapeutique négative, et j'arrive à ceci pour vous montrer, enfin du moins pour vous donner à penser, que si quelque chose comme ça tient la route, c'est même pas simplement qu'il y a à l'intérieur, c'est pas à l'intérieur de la tête de quelqu'un que se produit la réaction thérapeutique négative. C'est-à-dire que toutes les figures de la répétition sont en quelque sorte toutes les manières de dire encore, que ce soit pour une dose de drogue, un verre d'alcool, un baiser, ce que vous voudrez. Toutes ces figures, elles sont inscrites directement dans le champ de la langue. Et que le point de la répétition, c'est beaucoup plus de voir dans quelle mesure la courbure dans l'espace psychique et linguistique du patient, la courbure de cet espace est commandée ou non par la position d'un objet. Et dans quelle mesure on peut aussi, cet objet, faire apparaître, où est-ce qu'il disparaît, où est-ce qu'il réapparaît, etc., et quel type de contrainte il exerce sur la personne. Du coup, ça, non seulement ça dépsychologise complètement la réaction thérapeutique négative, mais ça indique aussi qu'il y a tout à fait, il n'y a pas de discontinuité qualitative entre des bonnes répétitions et des mauvaises répétitions. Il y a quelque chose qui, dans la langue, en tout cas si une analyse comme ça tient un tout petit peu la route, quelque chose qui, dans la langue, met constamment en continuité la répétition qui introduit à ce qui laisse à désirer et la répétition qui introduit à la surenchère dans la jouissance. Et que il n'y en a pas une qui est pathologique et l'autre qui serait normale. Elles sont effectivement données dans la langue et c'est beaucoup plus la manière dont un sujet peut être disposé à l'égard des ressources que lui donne la répétition qui compte et beaucoup moins le dysfonctionnement interne qu'on pourrait imaginer et dont il serait affecté. Ce qui a, je pense, ce qui va très bien avec l'idée de Lacan, selon lequel si on désature le champ de l'autre, de la dimension du père, alors on évite au patient de rencontrer, c'est possible, linguistique, et ces usages d'encore, si j'ose dire, sur le mode d'un conflit qu'il aurait à surmonter, ou devant lequel il serait impuissant. On lui évite ceci parce qu'on abolit complètement la dimension imaginaire de confrontation avec un semblable, ou de défi à je ne sais quelle puissance obscure, dans lequel le fait de se sacrifier à ce dieu obscur, dans la répétition catastrophique de telle ou telle intoxication, tentative de suicide ou d'automutilation, empêcherait ce champ de se déployer. Au lieu de l'écraser sur une dimension de miroir, il y aurait quelque chose de possible qui serait d'installer l'échange dans un autre espace que celui de cette dimension de miroir. Et c'est un peu un espace de genre que j'essayais de vous faire valoir à travers cette bande de Moebius. Alors, je force beaucoup de choses chez Lacan, mais il me semble que je peux, pour simplifier, en tout cas, vous en donner une petite lueur. Dans les faits, j'en sais rien. C'est pas parce que c'est théoriquement possible que c'est pratiquement ou cliniquement réalisable comme ça, hein. Mais il me semble qu'il y a un effet d'aération, si vous voulez, qui est produit lorsque on déplace comme ça un peu les choses en les sortant de ce qui est plus spontanément l'interprétation psychothérapeutique, de la réponse psychothérapeutique à donner à la réaction thérapeutique négative, et quand on essaie un tout petit peu de faire bouger les choses de cette manière. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et la prochaine fois, je parlerai, j'espère, des borderlines, ce sera en janvier. Est-ce que ceux qui m'ont jamais vu faire de cam, j'ai eu une période où je faisais des cams sur n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez le type de... En fait, il faut en voir fait sur des objets un peu sophistiqués en linguistique. Mais vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Hein, on construit tous les usages syntactiques, on fait un corpus d'abord, et ensuite on dispose les choses, et ça permet de comprendre comment elles s'articulent les unes aux autres. Et c'est une notion que Cuglioli a développée qui est très importante, au sens où elle est translinguistique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de distinction entre la sémantique, la syntaxe et la pragmatique. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est la fonction du petit point. Oui, c'est parce que c'est des points antipodaux. Ça, c'est une représentation. Les points sont antipodaux. Ici, vous avez un maximum. Une sorte d'un encore, c'est ça et encore. Et c'est l'étrangeté, c'est qu'on ait ce type de dispositif. Alors, évidemment, ce que fait Cuglioli, c'est qu'il le fait toujours sur une grande famille de langues, donc le chinois, des langues très différentes les unes des autres, hein, ce que je ne fais pas ici. Mais c'est très étroitement lié à la langue. Hein. Les cams fonctionnent par langue. Hein, c'est un point de retournement. C'est comme si vous aviez une manière de représenter une bande de Moebius. Comme ça, verticalement. Vous voyez juste la tranche, en quelque sorte, de la feuille de papier, et à un moment, ça se retourne. Si je peux me permettre, ça me fait un peu penser à la mention que faisait Georges Perec quand il a sorti Un homme qui dort. À un moment donné, il faisait un certain nombre d'interviews et il parlait du travail d'Alain Gessois sur La vie à l'envers, qui est un livre et dont il a fait un film également, avec Charles Denner. Où en fait il y a cette progression comme ça, où en fait il retombe à la fin. Il fait tout le trajet pour finalement retomber, une fois qu'il se trouve interné, dans le et encore. Et on voit toute la progression dans toute l'histoire. Ça fait ça. Il y a un bouquin sur Claude Simon où il raconte comment Claude Simon avait carrément, effectivement, dans la Route des Flandres, disposé. Et Claude Simon, il écrivait ses romans. En mettant les feuilles de papier sur les murs, et ensuite il cherchait l'ordre dans lequel il allait mettre les phrases ou les trucs comme ça. Et donc il y a une description extrêmement précise d'une structure meubienne qui est employée comme ça. C'est, si vous voulez, le quand c'est fait délibérément, je trouve que ça a beaucoup moins de valeur que lorsque ça vous permet d'aller à un point à son opposé, c'est-à-dire à résoudre la question des termes identiques de sens opposé, comme le sacer, qui veut dire maudit et sacré, etc., en faisant bien sentir ce que c'est qu'un signifiant. C'est-à-dire qu'un signifiant, c'est quelque chose qui est travaillé par une refente à l'intérieur de laquelle lui un objet. C'est que l'objet dita, il n'est pas dans la langue, mais il est de la langue, en quelque sorte. Il est à partir de la langue, il est découpé là-dedans. Et d'un autre côté, c'est l'intérêt de ce genre de topologie, il fait bien sentir qu'on a besoin de l'objet tita pour penser comment il peut y avoir des usages aussi hétérogènes et néanmoins noués de termes qui vont d'un point à un autre de la dimension syntaxique et sémantique et pragmatique. Donc à la fois, vous avez le premier Lacan, c'est l'objet tita, il est défini par coupure, si vous voulez, et puis dans les nœuds, il est défini par coincement, en quelque sorte. Là, on voit bien, en quelque sorte, comment ça le fait tenir. Bon, ça, c'est ce que... Et Cullune avait montré à Lacan, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il ne savait pas qu'on faisait de la linguistique comme ça. Ça fait vraiment penser au terme de Molière, je trouve. De Molière ? Bah oui, enfin, c'est... Ciel. Non, parce qu'il joue beaucoup avec ça, justement. C'est-à-dire, c'est parce que là, ça implique quand même qu'il y ait à minima deux instances. Mais encore, je veux dire, il faut bien que ça s'adresse à quelqu'un. Enfin, c'est... Ah oui, il y a de l'autre partout. Voilà. Il y a de l'autre partout, puisque c'est la dimension pragmatique. Et oui, absolument, ça, c'est aussi une dimension que je n'ai pas dite. Et alors, effectivement, oui, si vous pensez à la comédie, il y a l'effet les choses se retournent dans leur envers. La fameuse séquence qu'il y a dans le film, d'ailleurs, de Ryan Mouchkine avec sa femme, où en fait, elle lui dit encore en permanence. Oui, ouais, je pensais aussi à ça. Voilà. Ouais. Ah oui. Ouais, ça dure assez longtemps, 3-4 minutes. C'est un peu avant sa mort, c'est scénarisé. Bon.